Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir. Je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'était mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec deux ou trois de mes amis, et je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part, dans une autre pièce de l'appartement, un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi, nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie petit à petit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait, nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi, à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie. Mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon, rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchai le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonnée, je tirai plus fort, elle céda brusquement, et nous découvrîmes une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille, « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai, « Qui êtes-vous ? » Elle ne répondit pas, ne bougea pas, et resta les yeux fermés. Mes amis dirent, « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pu fuir, elle s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remué du pied, puis deux de nous l'ont relevé et de nouveau appuyé sur le mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience. Il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit, « Mettez-lui la bougie sous le menton. » Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit, « Ah, enfin ! Répondras-tu, vieille sorcière ? Qui es-tu ?» L'œil s'est refermé comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort, » ont dit les autres. « Encore la bougie, encore, il faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, elle a ouvert les deux yeux, lentement, nous a regardés, tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti trois dents aiguës s'imprimer sur ma main, dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ? » lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi une heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Oh, ai-je crié, ma fille, qu'on m'amène ma fille !»